Monsieur Nonon met son pantalon. Il tourne en rond dans son salon. À son œil, il chausse son lorgnon. Depuis que son voisin Siméon est passé le voir avec des bonbons, il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond dans son salon. De ce qu'il cherche, il n'en est pas question. Monsieur Nonon enfile son veston. Une main dans la poche et l'autre sur le front. Gratte ses ridules et se dit au fond. Depuis que mon voisin Siméon est passé me voir avec des bonbons, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond dans mon salon. Il tourne en rond, il tourne en rond, il tourne en rond dans son salon. De ce qu'il cherche, il n'en est pas question. Monsieur Nonon s'assoit sur son futon. Le regard dans le vide, il se pose des questions. Je crois que j'ai perdu mes bonbons. Derrière son front, ça tourne pas rond. Bas du plafond, c'est son surnom. Dans sa maison, Monsieur Nonon est le champion des... Mais où est passé mon... Il tourne en rond, il tourne en rond. Tu tournes en rond, je tourne en rond. Je, tu, il, nous, vous connaissons Monsieur Nonon. Pendant ce temps, chantons une chanson. 4 Monsieur Nonon joue de l'accordéon. Monsieur Nonon voyage en ballon. Monsieur Nonon est un peu grognon. Monsieur Nonon est un fanfaron. Monsieur Nonon a toujours raison. Monsieur Nonon. Voici l'explication. Monsieur Nonon est un peu timide. Et quand il pense, il n'est pas rapide. Après Siméon, il y a eu Mathilde qui a mangé tous ses bonbons. Eh ben c'est...